sent les vacances. Ça sent les vacances. Thank you. La mer, la mer. c'est mon cœur pour la vie. J'entends pas trop la basse, hein, Chacha. Allez, réveille-toi, Sharon. Allez, hop, hop, hop.